changeur d'air avec vous, Michel Bacou, au microphone, Jean-Philippe Boisbriand, à la mise en onde et au choix musical. Et aujourd'hui, une émission folk, mais du folk moderne. En fait, on va remonter pas plus loin que 2017. Alors, moi, je pense que si on veut tout entendre, ces jolis trucs de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, on est aussi bien d'y aller tout de suite. Get, nor yet will I thee lay. C'est comme ça que ça commence, les échangeurs d'air. Aujourd'hui, comme je disais, une émission complètement folk, mais avec du folk moderne. Pas nécessairement dans sa facture, mais c'est du folk récent. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est Alastair Roberts, Og Vulvur, The Old Fable River. La pièce s'appelle Sweet William's Ghost. Et notre ami Alasdair a décidé de se joindre à un autre ami qui s'appelle qui est un fiddler norvégien qui s'appelle Hans Jørstad. Finalement, ils sont mélangés avec un groupe de musiciens qui fait autant du jazz que de la musique vraiment free, vraiment gratuite. c'est vraiment très, très inspiré de ce qu'on a entendu. Je sais pas, j'ai comme eu à un moment donné, Jean-Philippe m'a dit, t'as pogné le fixe. Mais j'étais comme dans l'histoire, dans la voix aussi de Monsieur Alasdair Roberts. J'avais comme l'impression d'être dans les années 70. Un peu dans ce cas-ci. Vous savez, il y avait des espèces d'envolées folk parfois dans des trucs progressifs avec de jolies voix. Ben ça m'a fait penser à ça. Et avant ça, on avait House and Land sur l'album House and Land de 2017. Pour ce qui est de Old Fever River, c'est 2021. Donc 2017, la pièce Johnny. Là, on se retrouve avec deux dames qui s'appellent Sarah Louise Hanson, qui joue du violon, du banjo, et Sally Ann Morgan, qui joue... voilà. Les deux sont multi-instrumentistes, évidemment, et ont des voix vraiment qu'elles aiment mettre en harmonie. Puis ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était vraiment très très chouette, une pièce a cappella qui n'a pas permis de sonder leur technique musicale pour les instruments à cordes, mais qui était vraiment intéressante. Et elles ont réussi à tourner de façon féministe beaucoup de ces vieilles histoires un peu macho qu'on retrouvait dans le folk traditionnel, et ils nous ont livré une performance qui est vraiment très très chouette. Et elles ont vraiment une reconnaissance, elles sont actives depuis 2017 seulement, elles ont une reconnaissance très très bonne de bon, entre autres c'est drôle, le Magnet Magazine bonjour 80 score de 83, puis a été album folk du mois aussi par le magazine The Guardian. Puis ils se sont promenés un petit peu partout, dont un festival, où est-ce que j'aimerais aller, le Festival for the Eno, pour la Eno River. Puis c'est ça, peut-être qu'un jour je me retrouverai là. Et bon, c'est ça, sont vraiment, comme je disais, elles ont vraiment amené un peu de féminisme dans le folk qui en manquait. Possiblement un petit peu. Alors c'était ce qu'on a eu pour commencer. Ensuite, on s'en va faire un tour du côté de Ben Edge et de Bridget May Power. Alors deux trucs qui sont aussi récents de 2020 et 2021. Mouths to feed from rivers. See that golden light. On est encore dans les belles voies, vraiment, si vous avez, peut-être remarqué, peut-être si vous nous écoutez, si vous ne nous écoutez pas, ben vous n'avez pas remarqué. Voilà, d'abord on avait Ben Hedge qui nous faisait Mutilated Land sur un album qui s'appelle New Tradition de 2020. Allez voir ce type-là, il a commencé à faire de la musique lorsqu'il avait 15 ans. Et il fait plein de choses. Il fait des portraits, autour d'une fascination pour les portraits. Et vous allez pouvoir voir ses œuvres d'art. Et c'est assez rare. Son site, sa page est vraiment chouette. Alors il y a beaucoup de choses. Puis c'est bien décrit. Il y a plein d'illustrations. J'aime ça. Et ensuite on est passé à Bridget Maypower. Elle aussi une jolie voix qui nous faisait Didn't It Rain. Sur Burning Your Light de 2021. Elle a commencé en 2010 à faire de la musique. En fait, c'est assez drôle. On peut donner un conseil à tous les parents. Ne faites pas ce que ses parents ont fait. Après une expérience où est-ce que sa famille a ri de sa composition, quand elle avait à peu près 11 ans, elle a décidé d'arrêter d'écrire de la musique pour recommencer à l'âge de 21 ans. Vous voyez, alors, chose qui n'est pas arrivée à Ben Hedge qui précédait. Je pense que quand il a commencé à 15 ans, il l'a tout simplement encouragé. Alors, donc, elle a arrêté de faire de la musique, mais elle s'est bien reprise. Et depuis 2010 jusqu'à maintenant, elle nous fait des pièces fort intéressantes. Alors, avec une voix qui ressemble à qui, Jean-Philippe? Tantôt il me l'a dit, puis tout à coup j'ai oublié, voilà. Alors, mais on se retrouve dans les grandes voix féminines du genre. Et maintenant, ça va faire un tour du côté de Bobby Lee, Sarah Louise, etc. Thank you. Thank you. Oui, les échangeurs d'heures, d'air, oui, jusqu'à 10h avec vous. Mais non, pas du tout, jusqu'à 9h30. 10h, c'est ce que je disais avant, quand j'étais jeune. Bobby Lee commençait le bloc avec Origin Myth de 2021, la pièce Broken Prayer Stick. Bobby Lee qui ouais, mélange un peu les genres. Aussi, alors on passe, c'est un type qui a joué entre autres avec le célèbre Richard Thompson, qui a joué avec beaucoup de monde. Puis on dit qu'on retrouve des influences qui vont jusqu'à Terry Riley. On pourrait dire oui, on pourrait dire tout à fait oui. Ensuite, on est passé à Sarah Louise, Earth and Its Contents, c'est le titre de l'album de 2020, et la pièce Wordless Chapel. Puis je me suis rendu compte tout à l'heure que en faisant mes recherches, j'ai fini tout simplement par enlever ce que j'avais trouvé sur elle. C'est quand même assez rigolo, non? C'est ça, je viens juste de faire ça. J'ai fait toc comme ça. On retrouvait du beatbox. On retrouvait une espèce d'influence de Meredith Monk. On a dit qu'il m'a fait bien plaisir. Quelque chose d'assez flottant aussi, puis ça m'a plu. En fait, il y a beaucoup de choses qui me plaisent aujourd'hui dans ce nouveau truc folk. Ensuite, nous sommes passés à Aoife, Nessa Francis, Land of No Junction, sur Less is More. Elle, on la retrouve aussi, c'était son premier disque solo. Elle avait été dans un groupe avant qui s'appelait, comment me direz-vous? Elle voulait savoir s'il s'appelait Girls Names, voilà, avec laquelle elle a tourné pas mal. Puis là, elle est revenue en solo depuis quelle année? 2020, oui, pour nous livrer certains trucs. Alors, fort intéressant aussi, c'est là-dessus qu'il y a du beatbox, un petit peu de beatbox, puis qui, effectivement, comme disait Jean-Philippe, fonctionne parfaitement avec ce qu'elle fait. Maintenant, on s'en va du côté de Dirtwater, Cheval Sombre et James Elkington. Sinfully rotten till the end. Now I'll be alone in the darkness. I'll be alone with the wolves. Begging for mercy is hopeless when there's no creed left to lose. Down my kids and my wife, so please kiss them goodbye before taking me from this life. I never beg my forgiveness. My mind has never been free. Just let me die here all alone, bound to this old tree. Who will walk in the night with you? I could see it all come through. Just walk in the night. Just she'll go easy on you. Please. Aurora and lifelong hounds thought the mystery easy, but I failed to understand. Now it counts in 5-10 nations, the fingers of each hand. Ask him the mysteries of Toba, please. Louisiana, changeur d'air avec vous toujours jusqu'à 21h30. Dirtwater a commencé le dernier bloc avec un album qui s'appelle With the Wolves de 2021, et la pièce s'appelait With the Wolves de 2021. Ici on a affaire à un projet. Bon, le groupe avait commencé ce truc là puis ils ont mis ça de côté pendant plusieurs années. Puis, au moment donné, ils ont décidé de reprendre cet album avec une espèce de sélection de chansons, avec des vieilles légendes, puis toutes sortes de trucs qui nous ramènent un petit peu plus au folk, pas historique, mais au folk légendaire, justement, là, avec des diables, puis des trucs comme ça. Puis c'est bon. C'est vraiment quelque chose de chouette. Alors, ils sont quand même quelques personnes dedans. En fait, trois musiciens. Bachmir, qui chante, joue la guitare du banjo, puis un autre guitariste, et finalement, tout le monde joue de la guitare et chante. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ce groupe-là. Cheval Sombre nous faisait sur Days Go By, Walking at Night, avec Sonic Boom, entre autres. Et Cheval Sombre, c'est un type qui s'appelle Christopher Porpora. Puis c'est un de ses amis qui a donné ce nom de sombre à un moment donné. Puis lui, ben, comme beaucoup d'autres, ça paraît, il a été élevé en écoutant les disques de ses parents, dans lesquels il y avait plein de choses. Ça avait du Velvet, en fait, le Ronnie Rowe, Billy Holiday, du Donovan. Ensuite, il est tombé dans le Velvet Underground, Modern Lovers, puis Genesis P. Orridge, etc., etc. Et ça l'a amené à évoluer jusqu'à nous faire ce qu'on a entendu tout à l'heure. Un autre qui est intéressant et qui est à suivre. James Elkington. Bon, c'est un Chicagoien, guitariste, bon guitariste d'ailleurs, qui a collaboré, lui aussi comme par hasard, avec Richard Thompson et John Tweedy, et aussi avec Tortoise, qu'on a mis quelques fois. Qu'est-ce que je voulais dire sur lui? Ouais, ben, c'est un autre type intéressant, quelque chose d'atmosphérique aussi. On arrive, c'est ça, il y a comme ce côté atmosphérique qui s'est ajouté au folk récemment, et ce n'est pas pour nous déplaire. Alors ensuite, on se va faire un tour de côté d'Itasca, de Partisan Seed et de Rose City Band. Whispering lines about time itself. Golden Valley in the rain. See the land, here is the place. Here's your words in face of grace. Can it be more than enough, that misty valley in the day? And I was driving my feeling into the wind, to take it out of my home. And the poetry, misty valley in the rain. In a vision I saw my home, glassy meadow in the day. Image of the spring in show, then was lost to light of day. Is to love now our last try, learn to show kindness of man. Lesson came down on the wind, that misty valley sings again. And I was driving that memory into the wind, to take it out of my home. And I saw that clear valley in the rain. Come crashing all dreams to the floor. He finds himself asking things never asked before. Someone has disappeared. Books were laughed at the scene. Some were entertaining, some were obscene. Gods had all abandoned this funny moccasin that he used on his walking to dance in the ring of light ascent to another kind of dream. Parts of him were glad for the inner life he knew. Childhood buried pleasures, only to few. Bees had conversations, things that are so sweet. Many times he felt the sting flew in through the heat. Doors all half open, secrets to the sin. Sisters all so dear, in the quest for violins they all ascend to another kind of dream. If you embrace confusion to leave your home, let me say firsthand that in there you'll always be alone. One song. Ça continue pour nous. Il va nous rester un petit bloc après ce qu'on vient d'entendre. Itasca commençait le bloc avec l'album Spring de 2019, la pièce Golden Fields. Itasca qui aime bien se promener au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, passer quelques temps, se ressourcer, on pourrait dire, en habitant de vieilles maisons, puis c'est ça, en regardant des paysages. Pour faire des trucs qui sont plus flottants. Comme ça, il aime quand ça flotte, j'ai l'impression. Voilà, c'est un amateur de flottitude. C'est très bon, d'ailleurs, en passant, Itasca. Puis, comme je dis, je suis impressionné. Bon, on peut se dire que vraiment, le folk n'est pas un style qui est en perdition. au contraire, me semble-t-il. The Partisan Seed nous faisait Another Kind of Dream sur l'album Old Songs for a New Sun de 2021. Excusez-moi, je me suis... mon Dieu, il s'en passe bien des affaires sur mon truc. Là. En fait, pendant que je regardais pas, le truc a changé. The Partisan Seed, ils viennent de où, Jean-Philippe? The Partisan Seed? Hein? Ben là, c'est la question justement que je me posais. Alors, de Partisan Seed, ah, le revoilà. Le revoilà. Ce sont des Portugais. Il y a Felipe Miranda qui a l'air d'être le leader de ce groupe. Lisette Santos, De Ferreira, Miguel De Almeida et un Tim Khan. K-H-A-N qui semble. Ça fait pas très si portugais que ça comme nom. Mais peut-être qu'il est tout à fait portugais, lui aussi. Alors, quelques musiciens qui font des trucs vraiment très, très, très intéressants, eux aussi. Alors, allez voir sur leur. Sur le Bandcamp. C'est drôle, j'ai retrouvé des Bandcamp. Maintenant, j'ai l'impression, je pensais que ça n'existait plus presque. Et non, mais presque les gens n'utilisaient plus ça. Puis tout à coup, hop, non, Michel, tu t'es trompé. Tu es dans l'erreur, Michel. Rose City Band terminait le bloc avec Feel of Love sur l'album Earth Trip. Ça aussi de 2021. Donc je disais, ce sont des trucs qui sont vraiment récents. Puis ils ont travaillé beaucoup avec un type qui s'appelle Ripley Johnson, qui est un compositeur, un guitariste, un compositeur prolifique. C'est ce qui a amené à cet album, qui là aussi quelque chose de vraiment très cool. Je pense que on va être obligé de faire au moins une autre émission folk prochainement. Jean-Philippe m'a confié avoir beaucoup de matériel. Beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors, on continuera. Là, maintenant, il va nous rester Old Lost John et Kevin Morby.

brother, but it's getting late. I know, sister, but we will on our way. Oh, brother, but what's that sound? It's your heart, sister, starting to pound. And it goes bum, bum, bum, bum, bum, ba-da-bum, bum, bum. Never touched my soul. Well, brother, we should turn back. Oh no, sister, you know we can't do that. And the wheels on the bus go bum, bum, bum, bum, bum, ba-da-bum, bum, bum. There, brother, I want them to see your eyes. No go from behind, sister, they should be surprised. Hit them hard, sister, then get to running. I will, brother, they'll never see it coming. Their whole lives, brother, laughter, love, and trust. Till now, sister, when they meet us, and the last thing they'll hear will go bum, bum, bum, bum, bum, ba-da-bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ba-da-bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ba-da-bum, bum, bum. Un peu de trompette comme ça. Et c'est déjà tout pour nous. Oui, oui, oui, les échangeurs d'art. Et sachez qu'on vous revient la semaine prochaine. Et toujours Michel Macou, microphone, et Jean-Philippe Boisbriand qui fait tout le reste. Old Lost John nous faisait Speaking Dead sur Shape of Man de 2021. Il dit lui-même qu'en ce moment, il s'appelle Thomas toujours. Il vit à Malmö en Suède. Puis il livre des journaux. Puis il écrit des chansons. Voilà, c'est comme ça qu'il passe son temps. Normalement, c'est un homme des bois, puis un gardien de chevaux. Mais est-ce vrai? Est-ce vrai tout ça? On ne sait pas. Kevin Morby nous faisait Brothers Sisters sur Sundowner de 2020. Il s'est isolé lui aussi dans une shed avec de quoi chauffer puis de quoi refroidir. Puis il a travaillé avec un de ses amis puis il nous a livré ce superbe petit album. Alors c'est ainsi qu'on finissait avec Kevin Morby. Moi je vous dis à la semaine prochaine.